Chapitre 80. L'obligation d'obéir aux dirigeants, à condition qu'ils n'ordonnent pas de désobéir à Allah. Dans ce cas, il ne faut pas leur obéir. Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur-rasula wa ulil amri minkum. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Sourate 4, verset 59. 663. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il est du devoir du musulman d'écouter et d'obéir à celui qui a autorité sur lui, de plein gré ou à contre-cœur, sauf si on lui ordonne de désobéir à Allah. Dans ce cas, il n'est plus permis d'écouter ni d'obéir. Al-Bukhari et Muslim. 664. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, a dit: lorsque nous prêtions serment d'allégeance au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en jurant de lui obéir, il nous disait: oui, mais dans la mesure du possible. Al-Bukhari et Muslim. 665. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: celui qui se rebelle contre un dirigeant rencontrera Allah le jour de la résurrection sans aucune excuse. Et celui qui meurt sans avoir fait allégeance au dirigeant meurt comme mouraient les gens à l'époque pré-islamique, la Jahiliya. Muslim. Dans une autre version, celui qui meurt alors qu'il s'est séparé de la communauté meurt comme mouraient les gens à l'époque pré-islamique. 666. Selon Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: écoutez et obéissez, même si c'est un esclave noir dont la tête ressemble à un raisin sec qui a autorité sur vous. Al-Bukhari. 667. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: tu dois obéir aux ordres du gouverneur dans la difficulté comme dans l'aisance, dans ce que tu aimes comme dans ce que tu détestes, et même s'il, le gouverneur, s'est accordé des privilèges. Muslim. 668. Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, rapporte: un jour, nous avons fait une halte pour camper lors d'un voyage avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Certains parmi nous commencèrent à dresser leurs tentes, d'autres rivalisèrent au tir et d'autres encore menèrent paître leurs bêtes pour la nuit. Un homme désigné par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, annonça alors la prière en commun. Nous nous rassemblâmes autour du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui nous dit: il n'y eut pas de prophète avant moi à qui il n'incomba d'indiquer à sa nation ce qu'il savait être un bien pour elle et de la mettre en garde contre ce qu'il savait être un mal pour elle. Quant à votre nation, elle sera à l'abri des malheurs à ses débuts, puis elle subira à sa fin des épreuves et connaîtra des choses que vous réprouverez. Les épreuves se succéderont et seront toujours plus terribles. Lorsqu'une épreuve arrivera, le croyant dira: celle-ci provoquera sûrement ma perte. Puis elle disparaîtra, laissant la place à une autre qui fera dire au croyant: c'est celle-ci, c'est celle-ci. Que celui qui souhaite se sauver du feu et entrer au paradis meure en croyant en Allah et au jour dernier, et qu'il traite les gens comme il aimerait lui-même être traité. Et que celui qui a prêté serment d'allégeance à un chef en apposant sa main sur la sienne lui obéissent dans la mesure du possible. Puis si un autre vient lui disputer le pouvoir, tuez-le. Muslim. 669. D'après Abu Hunayda Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu, Salama ibn Yazid al-Ju'fi a demandé au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam: ô prophète d'Allah, que nous recommandes-tu si nous sommes gouvernés par des chefs qui nous demandent ce qui leur revient de droit, mais refusent de nous accorder nos droits. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se détourna. Mais Salama réitéra sa question. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit alors « Écoutez et obéissez, car ils répondront de leurs actes et vous des vôtres. » Muslim. 670. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il y aura certainement après moi des privilèges et des choses que vous désapprouverez. » Les gens dirent « Ô messager d'Allah, que recommandes-tu à ceux parmi nous qui en seront témoins ?» Il répondit « Acquittez-vous de vos devoirs et demandez à Allah ce qui vous revient de droit. » Al-Bukhari et Muslim. 671. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui m'obéit aura obéi à Allah, et celui qui me désobéit aura désobéi à Allah. Celui qui obéit au chef m'aura obéi, et celui qui lui désobéit m'aura désobéi. » Al-Bukhari et Muslim. 672. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Que celui qui désapprouve son chef en quoi que ce soit, fasse preuve de patience. Car quiconque refuse un tant soit peu l'autorité du chef mourra comme mouraient les gens à l'époque pré-islamique. » Dans la Jahiliya. Al-Bukhari et Muslim. 673. Abu Bakra, radiallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Celui qui offense le souverain sera offensé par Allah. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan. » On pourrait citer ici bien d'autres traditions prophétiques authentiques déjà mentionnées dans les chapitres précédents.